J'y ai réfléchi pendant des heures. Je n'ai plus le choix de lui briser le cœur. Que c'était vas-y, vas-y, pas moi, franchement. Même si je suis pas un bon donneur de leçons. Tout simplement, sa page la connaît par cœur. J'ai bien merdé, je suis le roi des menteurs. Qu'as-tu encore fait cette fois, vas-y, réponds. Est-ce vraiment aussi grave que tu le prétends? Qu'elle pourrait te guider. Mais tout dépend de ce que t'as fait. Tout sera en dépend. Qu'est-ce que t'as fait? Si je lui disais la vérité, penses-tu vraiment qu'elle pourrait accepter? Je l'ai trompé sans me protéger. Dans quelques mois, un père je serai. Pas un bon donneur de leçons. Dis-lui tout.